Bon, Luc, t'arrives, ben, t'arrives, c'est tout, saison. Ouais. Mais t'arrives, c'est GN Saint-Jean. Oui. 28 défaites, 2 victoires. Oui, exactement. Puis là, tu te retrouves avec un club, regarde, qui en peut plus de gagner. Ouais. Comment tu trouves ça? Ben, le contraste entre les deux, c'est sûr qu'on voit que c'est vraiment énorme, là, c'est gigantesque, la différence entre les deux. Puis je me souviens, tu sais, comme à ma première année, quand je suis arrivé, c'est sûr, là, on voyait dans les journaux l'ère après Bertrand, tu sais, puis je me souviens beaucoup de ce titre-là, parce que c'est vrai, cette année-là, ne veut pas, on peut le dire comme on veut, il avait perdu beaucoup de joueurs, surtout à l'offensive, là, ne veut pas. On peut le dire, là, cette année-là, on a eu vraiment la plus grosse défensive, probablement, de l'histoire du CIS. Puis, pour prendre l'autre bord, là, au niveau offensif, perdre Calgourg, Ménard, Jonca, sa ligne offensive. Puis après ça, ben, premier match, on avait perdu aussi Ostigui avec un ligament déchiré. Puis après ça, tu perds Bertrand aussi. On a tout dit Fred, le receveur, Tremblay. Fait tu perdais tous ces joueurs-là à l'offensive. Là, tu arrives avec un nouveau corps arrière. OK, on avait encore une bonne base au sol avec les running backs, mais encore là, une fois, la ligne offensive était complètement changée d'un bout à l'autre. Puis, je me souviens, au deuxième match, je crois, on jouait contre Bishop. Puis, l'année d'avant, je pense, ça avait fini 93-0 ou un truc comme ça. Puis, on finit par gagner la game 14-0, je crois. 14-0, si j'ai dans mes vieux souvenirs. On avait gagné 14-0, puis je me souviens, tout le monde était sorti de la game frustré, raide, vraiment frustré. Puis la semaine d'avant, on avait joué contre Concordia ici au PET, ça avait été très serré également, pas une grosse performance offensive. Puis moi, je me souviens, j'étais embarqué dans le bus, on s'arrête pour manger, je ne sais plus trop où, on s'arrête pour manger après la partie, puis là, Justin était fâché, puis tout. Tu sais, Justin, moi, aujourd'hui, je viens d'égaliser mon nombre de victoires à vie. On a gagné nos deux premières games, on est 2-0, j'ai jamais vécu ça de ma vie, Jules. Moi, je suis bien content, tu sais. Pas satisfait, tu sais, je suis un compétiteur, même si je perdais, là, je me suis jamais habitué à la défaite, puis j'ai tout le temps été extrêmement frustré de ça. Mais, tu sais, j'étais content de la situation, puis on était 2 victoires, aucune défaite. Puis, je veux pas, cette année-là, on a gagné la Coupe Vanier, puis, moi, j'étais passé d'un 0-10 à ma dernière année collégiale. Quand mes aspirations pour cette saison-là étaient hautes, vu le recrutement, on avait eu Rémillard cette année-là. Surprenant était à sa deuxième saison, mais il avait fait un changement de position. On avait eu Fournier, Charles Saint-Martin, qui est rendu carrière à Sherbrooke. Puis, tu sais, on avait eu un bon recrutement cette année-là. Puis là, les aspirations étaient grandes. Là, tu sais, je me disais, bon, cette année, ça va être différent. Puis finalement, ça a été la pire saison. On a été 0 victoire, 10 défaites. Puis là, après ça, le programme est redescendu dans le 2A. Mais vraiment, de se ramasser dans un club qui gagne la Coupe Vanier après avoir eu 0 victoire, 10 défaites, écoute, ça passe tellement vite. Moi, en tout cas, j'ai vraiment apprécié le contraste entre les deux. Puis c'est sûr aussi d'arriver à sa première année et avoir un poste de partant à la ligne offensive. Là, c'est sûr que comme c'était pas le joueur que je suis devenu dans ces années, disons, présentement. Mais c'est sûr qu'acquérir une grosse expérience de vie comme ça, tout en partant, ça a été exceptionnel. Pour parler justement de la reconstruction de l'équipe, dans le fond, vous venez de perdre des gros noms. Depuis ce temps-là, ça fait 4 ans que tu es là, puis la ligne offensive, elle semble jamais avoir subi de cycle de reconstruction depuis. Elle est toujours dominante depuis longtemps, ce qui est rare pour une ligne offensive. Ouais, ben c'est ça. Ce qui est arrivé aussi cette année-là, on se souvient, il y avait eu le cancer à Dominique Picard. Puis à cette première année-là, je pense que Michael Côté, il a prouvé beaucoup de choses cette année-là. Il a prouvé une nette évolution parce que l'année d'avant, en 2003, si on demande à Justin Thier, tu sais, la perspective de Mike Côté, c'était un projet plus à long terme. Puis boum, il arrive comme ça après un an. D'arriver à prendre à succéder à Picard, puis tu sais, on a gagné la Coupe Vanier sur le terrain, puis tu sais, OK, ça n'a pas été un match offensif, mais encore une fois, la défensive de Saskatchewan, on va se dire, c'est une grosse défensive, puis dans ces années-là, il y avait des gros bonhommes encore une fois, puis Fait que tu prends un Mike Côté qui a pris une grosse expérience de vie lui aussi au travers de cette année-là. Puis on avait aussi l'année d'après, en 2005, l'arrivée de Vincent Turgeon, avec qui j'avais joué tout mon cégep. Puis moi, j'étais extrêmement content parce que l'histoire de Vincent Turgeon, c'est que lui, il s'en allait plus vers Sherbrooke. Puis finalement, vu qu'il manquait des cours, il est retourné au cégep pour faire une quatrième année à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis, laisse-moi dire, je l'appelais à tous les jours. Laval, Laval, c'est la place. Viens-t'en ici. Puis, tu sais, Vince, je connais ton talent. Puis, je suis sûr que tu matches. Puis, tu sais, Vincent aussi, son premier match partant. Fait que, tu sais, ça a été un gros boost pour le tackle. Puis, tu sais, t'avais un gars comme Pierre Tremblay qui arrivait pour seconder Vincent Turgeon. Fait que, je dirais que, à chaque arrivée, il y a tout le temps quelqu'un qui prend sur son aile, tu sais, veut que tu apprennes le plus vite parce que veut pas, tu sais, comme moi, là, c'est ma quatrième année, j'essaie de montrer le plus de choses. Tu sais, c'est pas juste, souvent, tu sais, t'as un coach qui t'enseigne les choses, mais tu sais, quand tu arrives à ta quatrième année, tu veux partager aussi, tu sais, ce que tu as appris de ton coach parce qu'un coach, ça a tout le temps 14 joueurs devant lui. Il va en regarder un, deux en même temps, mais tu sais, il y a un gars ou deux gars qui peut corriger. Mais ensuite, les autres, plus souvent, c'est de regarder un gars qui est à ta position, puis de regarder ce qu'il fait, puis dire, bon, OK, lacune technique à ce moment-là, fais ça comme ça. Tu sais, t'essaies d'apporter beaucoup de, pour la continuité du programme. Tu sais, moi, je veux que, mec, que je parte, le gars qui va embarquer à ma position soit aussi fort que moi, hein, ou sinon meilleur que moi, tu sais. Je veux qu'il y ait de la continuité dans le programme, puis que, justement, ces gars-là se souviennent de tu sais, que... ils peuvent arriver à partager leurs connaissances eux aussi. Hey, puis justement, écoute, tu parles de bénéficier de l'expérience des autres. Cette année, encore, sur la ligne offensive, vous faites la pluie et le beau temps. C'est quoi la recette, tu penses? Ah, c'est vraiment, la cohésion. La cohésion entre les membres, justement, d'unité. Autant, je dirais même pas que c'est au niveau des cinq partants en ce moment. Je dirais que c'est vraiment au niveau de la ligne offensive au complet. Il faut tout comprendre le jeu de la même façon puis faire confiance à celui qui est à côté de toi. C'est vraiment d'arriver à dire, bon, ben j'ai assez confiance en mon partenaire à côté pour, tu sais, quand on sait qu'est-ce qu'on fait sur le terrain, ça paraît toujours. Puis, je te dirais que les jeux où il y a eu des mauvaises choses, c'est toujours par manque de communication. Surtout au niveau de la ligne offensive, parce que nous, c'est vraiment d'arriver à voir le jeu, puis c'est sûr qu'il y a beaucoup d'expérience qui passe au travers de ça, là. Cette année, on est choyé, on est la même ligne offensive que l'année passée. Encore une fois, l'année passée, c'était la même ligne offensive, mais il y a eu beaucoup de blessures, on va se dire. Au début de la saison, on avait perdu Vincent Turgeon pour une blessure à la cheville, puis ensuite, dans un match contre Bishop, on perd Mike Côté et puis Louis-David Gagné. C'est sûr que des deux grosses pertes comme ça dans un match, ça avait bousculé un peu la saison, mais encore une fois, Mike Boudreau puis Sébastien Dallaire étaient embarqués sur le terrain, puis, moi, te dire, la semaine d'après contre Sherbrooke, on avait fait, dans un match d'emploi, on avait fait pratiquement tous les touches au sol. Yao, je pense qu'il y a eu un match proche de 200 verges. Fait que, tu sais, c'est vraiment d'arriver à voir que, peu importe qui c'est, peu importe l'élément, un élément de l'équipe, c'est d'arriver à dire, bon, ben le prochain qui embarque, la cohésion ne change pas. C'est vraiment d'absorber le système offensif de Justin. Et non pas non plus de faire 5 gars de ligne offensive, mais faire une ligne. Non, c'est ça, justement. Même quand on pratique, mettons, quand on va pratiquer contre les fronts défensifs de l'adversaire, selon ce qu'on voit sur vidéo et puis des trucs comme ça, il y a des rotations. Il y a des rotations. C'est pas juste les 5 partants qui sont là puis qui roulent tous les jeux. Non, il y a de la rotation. Fait que c'est vraiment pour arriver à un point où moi je sors du match, Mike Bourdeau embarque ou Hugues Breton embarque, ou encore Dominique Poulain qui passe de tackle à guard, qui embarque puis qui savent comment ça fonctionne. C'est vraiment de connaître le système au complet. Tout le monde connaît. Et non juste ta position. Ouais, c'est ça. T'sais, moi, je me souviens notamment, j'ai pas été là longtemps, mais à Coupe Vanier en demi-finale canadienne en 2005 contre Saskatchewan, à un moment donné, Pierre Tremblay se blesse à l'épaule, sort du match. Vincent Turgeon se blesse à l'épaule, sort du match. On était juste 7 au line habillés. Fait que ça, tu viens de perdre tes deux tackles. Fait que je fais signe. Bon, je vais y aller. Fait que là, je m'en vais comme tackle. Puis là, switcher de garde à tackle. Switcher de garde à tackle. Puis Frédéric Gay est embarqué à ma position comme garde. Fait que tu sais, c'est vraiment de savoir en toute occasion c'est quoi ton jeu. Tu sais, c'est quoi qui se passe autant au tackle qu'au centre. Parce qu'on n'est jamais à l'abri de surprises. Puis ça, c'est de l'adversité. Puis il faut être prêt à cette adversité-là. Hey, dis-moi donc, regarde, on en parlait tantôt avant, là. Comme au line, des fois, on a un peu un rôle ingrat premièrement manger des coups, mais aussi, on se fait pas toujours remarquer. Mais il y a toujours un jeu à un moment donné qui fait que, tu sais, t'es dans le huddle, t'entends ce jeu-là, là, ton break, là, il est bien plus fort qu'à l'habitude, puis t'as hâte à sacrément de le faire, ce jeu-là. C'est quoi ton jeu, toi, qui te fait frémir un peu, là? Ben, c'est sûr que tout ce qui est screen, autant pour les running backs ou le screen qu'on fait avec notre receveur éloigné, c'est sûr que ces jeux-là, on a la possibilité de sortir un gros bloc, puis de que ça parte pour un long jeu. On l'a vu en fin de semaine aussi pour la course à Yao. Regardez, pour les O-line, ça là, c'est du bonbon. On sort de la ligne, on sort de, comment dire, de notre commun ou nos blocs habituels. C'est d'arriver, puis là, tu sais, bon, ben, ça la rouette, là, c'est, il reste juste deux O-line, puis un running back contre un corner, puis un halfback, là, tu sais, c'est le temps de sortir un gros jeu. Fait que ça, c'est vraiment le style de jeu où, comment dire, c'est du bonbon pour nous autres, là, à ce niveau-là. Comment dire, moi c'est les jeux que j'aime pas mal le plus. Sinon notre style offensif, nous, est vraiment pas compliqué. Un peu nos jeux au sol, on fait pas des twists ou des pulls ou des choses comme ça. Non, y a pas de jeux comme ça. C'est vraiment d'implanter un système. C'est vraiment pas compliqué, mais il faut que ce soit bien exécuté. Puis c'est vraiment travailler sur l'exécution. Je regardais un peu les statistiques, il faut que tu m'expliques quelque chose. C'est le seul gars à la ligne offensive qui a des statistiques. T'as un attrapé pour moins 7 verges, qui te fait, en cette partie jouée, je pense que c'est l'année passée, qui te fait une moyenne de moins une verge par match. Explique-moi ça. OK. Ça, premièrement, c'est une statistique de carrière. C'est pas arrivé l'année dernière, c'est arrivé en 2005. Ah, OK, merci. C'était le premier match de la saison, au match d'ouverture contre les Carabins de l'Université de Montréal à Montréal. Le jeu se déroule, il y a un blitz quelconque, puis là, la pression se dirige vers William Leclerc. Puis là, William Leclerc était rendu dans la zone des buts de notre bord. Donc, c'était vraiment une situation de pression, là. Et puis, il y avait eu une pénalité à la base au début du jeu. Lui, c'était William, contre nous autres? Contre nous autres. Okay. Donc, William, ouais, quelque chose, genre, ou un offside, ou je ne sais trop. Et puis, William Leclerc, ça, moi, je regarde ce qui se passe dans le backfield. Will Leclerc me regarde dans les yeux, puis là, il me tosse la balle vers l'avant. J'attrape la balle, je me reviens d'abord, je pars à courir, puis je fais un hit. Puis je savais que, théoriquement, j'aurais même pas dû attraper la balle, j'aurais dû juste la cogner à terre ou quoi que ce soit, mais tu sais, les réflexes sont là. Je pogne la balle puis je pars à courir. J'avais fait quelques verges, mais tu sais, c'est sûr qu'une perte de verge, de cette verge du jeu. Fait que ce qui était arrivé, c'est que les Carabins avaient refusé la pénalité pour le receveur inéligible, puis ils avaient pris plus la pénalité d'offside ou quelque chose d'autre. Là, je me souviens plus c'était quoi l'autre pénalité, mais fait que la statistique que j'ai, c'est une réception pour moins 7 verges. J'ai vraiment ri quand j'ai vu ça, franchement, là. Sérieusement, c'est vraiment la seule statistique, je pense, que je vais avoir en carrière, là. À moins qu'il y ait un fumble à quelque part, puis tu ramasses la balle, ou un plaqué sur une interception. J'avais fait un plaqué aussi contre McGill, sur un field goal raté, mais c'est pour nous autres, les statistiques, là, nos statistiques, c'est les verges à nos... les verges pour nos running backs, puis le nombre de sacs qu'on n'accorde pas. Il y a eu souvent aussi un peu la vision des O-line comme étant un peu des gardes, on va dire les mots comme ils sont, là, des gros tas sans cervelle et des gars qui font juste rentrer dans le tas et compagnie puis manger des coups. Puis la NFL a contredit ça un peu en parlant de beautiful minds, parce que c'était les gars souvent qui étaient les plus éduqués, qui sortaient souvent de l'université avec des maîtrises, puis c'était les gars qui avaient les plus hauts quotients intellectuels souvent dans les équipes. qu'est-ce que tu aurais à dire là? Ouais, je te dirais que c'est un gros stéréotype. Mais je veux pas. Bon, peut-être que je te dirais dans la dernière génération, je te dirais ouais, c'est peut-être vrai, mais chaque stéréotype est parti d'un fondement. Fait que peut-être que dans les années, je te dirais peut-être 70 ou dans l'expansion de la NFL, peut-être que vraiment, tu sais, on cherchait vraiment des gros bonhommes, nécessairement qui bougeaient peut-être pas, mais tu sais, des gros qui sont difficiles à déplacer, puis au niveau du quotient intellectuel. Pourquoi une position sont moins intelligents, ça je comprends pas, là. J'imagine que ça devait être un stéréotype. Je sais pas vraiment d'où c'est né. Chose sûre, tu sais, il y a personne qui est gros voit rien. C'est sûr qu'on a un appétit peut-être un petit peu plus grande que la moyenne générale, tu sais, ou sinon, bon, on n'aurait pas la charpente qu'on a. Mais tu sais, c'est sûr que ce que je pense du fameux stéréotype du O-line imbécile obèse, ce que je pense de ça, je pense pas que ce soit vrai là, parce que vraiment, tu sais, des vraiment beaucoup de gars brillants. Là. C'est vraiment un stéréotype. Ouais. Je pense qu'en général, la perspective du football a beaucoup changé face à ça. T'sais, avant, on pensait le stéréotype de ça, c'était des gars qui frappent, qui n'ont pas de tête, des machines d'agression ou quoi que ce soit. T'sais. Puis moi, ce que je vois plus, c'est des gars qui, surtout universitaires, même la NFL, les professionnels, c'est tous des gars qui sont passés dans l'université et qui sortent de là avec un bac. T'sais, si tu veux jouer au football, il faut que tu ailles à l'école, puis il faut que tu réussisses tes cours. L'un va pas sans l'autre. Le plaisir du football scolaire, c'est pas fun. Ben, ils devraient faire ça. Moi, je pense qu'ils devraient faire ça dans tous les sports. Là. Le hockey, là, c'est ridicule de savoir qu'un gars peut avoir fait 4 ans dans la Ligue junior majeure du Québec, qui sort il y a 20 ans avec un secondaire fini sur le fly. Tu sais que, bon, écrire un texte de 300 mots, c'est quasiment un challenge, là, ou quelque chose du genre. Là, qui ont fait toute leur secondaire dans un autobus sur la route, là, pas de professeur à lire dans un livre, quand on s'entend que lire dans un livre, dans un autobus, là, bonne chance, là, au niveau de ton apprentissage. Fait que, tu sais, c'est un peu triste de voir ça. Je pense que, moi, personnellement, je pense que tous les sports pour les gars devraient être associés à une école, puis ça garderait pas mal plus de gars à l'école. En général, là, puis tu sais, c'est pas juste à dire, mettons, comme au hockey, si tu veux jouer midget 3A, il faut que tu ailles au secondaire. Tu sais, je pense à ma ville natale, les Gaulois, là. Mm-hmm. Les Gaulois dans le midget. Bon, ces gars-là, ils sont obligés d'aller à l'école, mais encore une fois, c'est de l'école sur le fly dans un autobus. C'est très réduit le nombre de parties. Je pense pas qu'au hockey, tu as besoin de jouer aux deux soirs pour savoir jouer au hockey. Je pense que c'est pareil comme le football. Nous autres, on pratique toute la semaine, puis on joue une game les fins de semaine. Tu n'as pas besoin nécessairement d'aller jouer à, mettons, si tu es dans le junior majeur du Québec et tu viens de Moncton, tu n'as pas besoin d'aller jouer à Rouyn-Noranda pour apprendre à jouer au hockey. Je pense qu'il serait surtout splitter les ligues, rendre ça un petit peu plus local puis faire un système un peu plus comme le football où tu as l'Ontario, le Québec, les Maritimes puis l'Ouest, puis d'arriver à faire un circuit là-dedans un peu plus restrictif puis qui permet aux jeunes de justement étudier. Hein. Godaille, puis parlant d'études, normalement, toi, tu gradues cette année. Oui. Administration des affaires. Oui. Qu'est-ce qui se passe pour toi après? Ben, après, moi, comme je dis, OK, là, pour ce qui est de l'après Laval, après Université Laval, moi, j'ai toujours en perspective de revenir pour une cinquième année. OK. C'est... faire ta maîtrise? Oui, faire une maîtrise majeure. Ben, je fais actuellement ma majeure en finance, en administration, okay. Puis j'aimerais ça faire ma maîtrise. Par contre, c'est sûr que mon nom est au repêchage cette année. Puis, c'est sûr que si j'ai l'opportunité d'aller faire un camp, je vais le faire. Mais c'est des choses qui sont vraiment hors de mon contrôle. Moi, ce que je peux faire, c'est contrôler ce que je fais sur le terrain et mon intensité. Pour ce qui est de l'école, encore une fois, ça c'est quelque chose qui est vraiment en mon contrôle. Puis, face à ça, moi, j'ai tout le temps dit, le football, c'est ma passion, mais c'est une passion récente. Quand j'ai commencé à jouer au cégep, j'avais pas joué au secondaire, j'ai pas commencé à jouer en secondaire 1 ou quoi que ce soit. Puis quand j'étais jeune, je jouais à Madden, puis d'habitude, j'écoutais pas le football, j'écoutais pas la CFL. À ma dernière année, je pense, ma dernière année collégiale, j'ai su c'était quoi l'Université Laval. Fait que c'est vraiment pas quelque chose que j'ai anticipé puis que je voyais à long terme. Fait que je pense que ma vision, aux professionnels ou des trucs comme ça, c'est un peu la même chose. Mais c'est encore moins de mon contrôle que universitaire. Universitaire, tu te fais recruter, t'as un peu le choix d'aller à l'université que tu veux. Puis quand t'es professionnel, ben là, c'est au draft, ils te choisissent, tu t'en vas là, puis c'est ça. Puis essaie de faire le club, si ça marche pas, ramasse-toi pas éclat à terre. Fait que c'est un peu ma perspective face à ça. Je pense que je travaille pour avoir mon bac, après ça ma maîtrise, j'ai un DEC en électronique, tu auras un bac en administration, peut-être une maîtrise en finance. Fait que c'est vraiment se donner plus des clés pour l'avenir que juste jouer au foot. Justement, l'avenir sans football, pour toi, ça serait quoi? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Comme métier? Vraiment, là, je vais te répondre franchement, je n'ai aucune idée. Électricien comptable? Non, je n'ai vraiment aucune idée. Je n'ai vraiment aucune idée. Puis je pense que, d'un côté, faire des plans à trop long terme, t'es déçu. C'est juste se fixer des choses à court terme. Mais, tu sais, c'est pas de dire je suis au jour le jour. Mais c'est juste se dire, bon, ben, je travaille pour ça à court terme, puis on va voir par la suite, là. Son objectif premier, finir ses études présentement, puis après ça, on verra. Finir mes études présentement, puis exactement, après ça, on verra. Tu sais, c'est pas de dire, moi, mon objectif, c'est de travailler pour telle firme, ou, tu sais, j'ai jamais été le type de gars qui s'est dit, bon, ben, moi, un jour, je vais être pompier. Tu sais, j'ai jamais eu d'objectif long terme vraiment fixe. C'est plan de carrière bien défini. Ah ouais, c'est ça. À 28 ans, je vais avoir ma job, mon char, deux enfants mariés. Non, j'ai jamais été comme ça. Je suis plus, objectif court terme, puis impulsif aussi un peu. Ah ben c'est good ça. Hey, merci beaucoup, Luc. Ouais, c'est good.